dès qu'on les ausculte, c'est-à-dire dès qu'on les frappe un petit peu, elles ont déjà une sonorité par elles-mêmes, ces pièces. Avant d'être travaillées, on ausculte hein, aussi les bois. Et ce sapin, également, cet épicéa, il est assez nerveux, c'est-à-dire qu'il n'est pas mou. Il résiste quand même, dès qu'on le manipule, on sent une résistance, comme s'il y avait des ressorts dedans. Alors donc, c'est très bon. Ça aussi, c'est le luthier, lui, s'en aperçoit quand il le travaille, quand il le tâte, quand il le sent, quand il le touche. Ça, c'est une histoire de toucher.